الناس. On est toujours dans notre sujet, c'est-à-dire shirk et tawhid. On sait que la da'wah de tous les prophètes, tous les rasuls, c'est tawhid Allah subhanahu wa ta'ala. الدليل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Et donc, c'est quoi? On va récapituler un petit peu. C'est quoi إله؟ إله. On dit Allah, إله. C'est quoi إله؟ أي نعم إله في معبود ها إله فبدير مألوه ها إله فبدير مألوه أي معبود تبون معبود تكو إله فبدير معبود. Et donc العبادة c'est quoi en fin de compte? C'est l'adoration, c'est l'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala, hein, en obéissant, faisant ce qu'il nous a demandé de faire, en évitant de ce qu'il nous a demandé d'éviter, par amour et par humilité, par vénération, hein, amour et vénération. Et dans la vénération, il y a la crainte. D'accord? Donc c'est ilah, ça veut dire aimer, l'adorer. Hein? Donc le cœur, le pilier, le plus grand pilier de l'adoration, c'est l'amour. Hein? D'accord? L'amour vrai, en fait, quand les chrétiens disent par exemple que Dieu est amour, mais ils l'expliquent autrement. Mais c'est nous, les musulmans, qui aimons Allah plus que l'autre. Parce que nous, on l'aime comme il a voulu lui qu'on l'aime. Hein? D'accord? Donc les deux piliers de l'adoration, c'est la vénération et l'amour. Hein? C'est-à-dire at-ta'zim wa al-mahabba. Et donc at-tazallul lillah bi-fi'li awamiri wa bi-ijtinabi nawahi hubban wa ta'zim. Qala ta'ala wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an. C'est-à-dire invoquez-le par crainte et espoir. Crainte, donc vénération. Hein? Espoir, donc il y a l'amour. Donc on l'aime, donc on essaie de se rapprocher de lui, on espère qu'il nous aime lui aussi. D'accord? Donc c'est ça qu'il est. Et donc voilà, c'est le voilà. Ça vient de qu'il est. Il a les racines, quoi, les mots qui ont la même racine. Voilà, il a, l'autre. Voilà, c'est le sommet de l'amour. Hein? C'est le sommet. C'est pour ça que Ibn Qayyim, rahimahullah, il a expliqué que le sommet de l'amour avec le sommet de l'humilité. Donc, et c'est ça, donc, celui qu'on adore. Bon, on passe directement à celle de ce qu'on a parlé de façon de Tawhid, de Uluhiyya, Tawhid, de Rububiyya et tout. Shirk, c'est quoi alors? L'association, c'est quoi Shirk? C'est quoi Shirk? C'est quoi? Voilà, j'ai eu derrière Allah, dit qui? Ah, il fait vrai, non, ça fait des questions? Oui, je sais qu'il y a tout. Il y a le souillet pour moi, le souillet pour moi. Non, le souillet pour moi, غير الله, le souillet pour moi, غير الله, il dit Zahi, qui est la roue de Khabar et Sina. Donc, c'est égaler ses cas avec Allah, donc qui est propre à Allah. Du moment qu'on prend une qualité qui est propre à Allah, et maintenant on la met à l'église, ça peut être une personne sincère ou un gouverneur ou une star de télé. On l'a associé, on l'a égalé à votre main. D'accord? Du moment qu'on a pris une qualité de quelqu'un et on l'a attribué à une qualité d'Allah et on l'a attribué à une personne, on l'a égalé. Donc on l'a associé. Et c'est pour ça que le jour où les kuffars, les associateurs seront en enfer, ils diront, par Allah, nous étions dans un égarement manifeste, que nous vous égalions avec le Seigneur des mondes. Allah, in kunna laki dalalin mubin, idh nusawwikum bi rabbil alamin. Et donc, ils l'ont égalé avec Allah. Ils l'ont égalé. Ils n'ont pas égalé, ils n'ont pas mis. Ils nous donnent un pied d'égalité avec Allah. C'est pas possible, ils vont dire non, c'est pas possible. On ne va pas mettre une personne à pied d'égalité avec Allah, non. Nama, il a dit, khlas, vous avez égalé personnellement. Du moment que vous avez pris une qualité de moi, vous l'avez donné à une personne, khlas. Seul moi qui connais le règle, seul moi qui connais l'invisible. Du moment où vous dites non, non, il y a telle personne qui connaît l'invisible, vous l'avez égalé avec Allah. Et Allah, il est jaloux de ses attributs. Il a dit, alimul ghaib. قل لا يعلم من في السماء قل لا يعلم من في السماوات والأرض بغيبة إلا الله. Donc c'est propre à Allah. Allah il a dit voilà, personne ne connaît l'invisible qui va passer demain et tout. On a parlé de ça, on a parlé des clés de l'invisible. D'accord, donc ça c'est propre à Allah. Ouais. Donc ça c'est propre à Allah. Du moment où Allah il a dit c'est moi qui ai digne d'invocation. C'est moi qui ai digne d'invocation. Allah il a dit c'est moi qui ai digne d'invocation. Et quelqu'un va vers une tombe, il invoque une tombe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un pied d'égalité cette personne qui est dans la tombe ou la tombe elle-même avec Allah. Il l'a égalé. Et c'est pour ça, Allah il est jaloux, il n'aime pas qu'on l'égale, qu'on peut faire des péchés et tout, il est pardonné. Mais de là à se mettre au même niveau que lui, il n'aime pas. Là il est juste dans l'enfer et voilà. D'accord? Et c'est pour ça la personne qui fait des dessins, rien qu'en décidant que nous faisons des statues avec ça, Allah il a dit, voilà, t'as voulu faire comme moi. Il a dit, qui est celui qui veut créer comme je crée moi? Il n'a pas créé lui. Il ne peut pas créer indépendamment. Il y a un matériel qui appartient déjà à moi. Il a utilisé de la pile qui a fait une statue. Ah ben il a dit, là, maintenant tu te débrouilles, tu souffles l'âme à l'intérieur de lui. Tu te débrouilles parce que tu m'as égaré dans la fabrication, dans la création. Du moment que tu as fait ça, tu m'as égaré. Donc du moment que quelqu'un dit moi je connais le règle, je ne connais pas que c'est un prodige qui vient de moi, que je peux connaître des choses. J'ai vu le grand bétonneur, cela m'a dit qu'il va arriver des choses. Il s'est mis au même pied d'égalité avec Allah. Et celui qui le suit, qui l'obéit, il l'a associé. Il l'a associé avec Allah. Donc, normalement, l'association, en général, c'est donc. Dans l'ouïeur que ça se passe, c'est-à-dire dans l'amour, dans la crainte, ou dans l'invocation, dans l'invocation, c'est-à-dire que quelqu'un, au lieu de se diriger vers Allah, il se dirige vers une statue, il se dirige vers une tombe. En général, la statue et la tombe, c'est pareil. Il n'y a pas de grande différence, parce que les mouchriquins, les associateurs de Khawloch, quand ils ont fait Wadwatuwa, vous allez lire ça dans le Sourate de Nuh, et c'est des noms, Wadwatuwa, Yahut, Yahut, c'est des noms de gens. Mais eux, ils ont fait des statues, mais ces statues, ils font penser à ces gens-là. C'est-à-dire, la statue fait penser. Ruben aussi, l'aide ou l'aide, c'était une personne qui avait dans l'idée. Ce n'était pas pour adorer la statue elle-même. Non, ils vont dire toute personne. C'est une personne pieuse, c'est une personne qui va nous rapprocher d'Allah. On n'est pas capable de l'invoquer directement à Allah parce qu'on a fait des péchés et on a pris ça comme intermédiaire. D'accord. Donc, ça c'est de l'association, de l'invocation. Mais le problème c'est pas seulement dans ça, pas seulement dans le Oluya, pas seulement dans l'adoration, mais il y a des gens qui sont tellement égarés qu'ils ont cru qu'il y a des créatures qui dirigent l'univers avec Allah. Il y a des créatures qui contrôlent toutes les graines de l'univers avec la main. Et des gens, ils croient, des millions de gens, ils croient en ça. Ils croient que c'est qui se statuer chez eux. Les chiites, par exemple, les Ravidas, ils croient en ça. Ils disent que nos imams, ils contrôlent l'univers. Leur ancien président, il dit que moi, je suis avec le prophète, je dirige l'univers avec lui. Se statuer dans le monde. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle chef de sa parole. Ça, c'est le chéri qui croit en ça. لدروز روسي لعلوين روسي للإسماعيلية تتشكلنا إخوان كبير بحيرة جد جديد في ميزار أبيك الله يتحصل الزيغيش في ميزار عليك الله ها؟ دكور نعم فاسم صفحة فاسك جد ديتالي سور l'autre, c'est-à-dire qu'il y a encore qu'il y a des gens qui croient aussi qu'il y a d'autres gens qui connaissent le Bible et qui ne connaissent pas. Hein? Ah oui, allez, dis-moi, qui est dans le Coran? C'est moi qui connais le règne, c'est moi qui connais l'être. Ils disent, c'est comme s'ils disent non, pas seulement, c'est comme ils l'aident. Ils rompent le verset, ils disent non, pas vous seulement. Il y a le voyant, il y a Madame Soleil, il y a la télé, il y a le télé, il y a la revue là, il a prévu beaucoup de choses et tout. Et on a parlé de vrai, hein. On a discuté, j'ai fait un cours, c'était bien pour ça. Il est traduit et tout, alhamdoulilah. Et je me suis avancé là-dedans, quoi. Et j'ai dit que Al-Sunnah, que Allah connaît l'inconnu, c'est-à-dire le raid, ni le plus proche des anges, ni personne. D'accord. Et on a dit que Allah, il peut dévoiler une part de l'invisible. D'accord. Il peut dévoiler une part de l'invisible à certains de ses prophètes. Pourquoi? Pour les signes de prophétie, pour ce qu'ils disent. Pour que le prophète donne un signe aux gens qui ne croient pas et leur dise voilà un signe. Par exemple, Isa alayhi salam. Isa, il avait, Allah lui a montré des choses. D'accord? Il lui a montré des choses comme signe. Les exemples sont nombreux, ça sont dans le Coran et tout. Donc Isa il a dit, wa'ulam bi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Hein? Inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Le verset en français, c'est là où Isa alayhi salam. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons, voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyant. Donc Allah, il montre une part de l'invisible à certaines de ses créations. D'accord? Il a montré une part de l'invisible au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, comme un signe, hein, عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى للرسول. Hein, الا من ارتضى للرسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Donc, il donne pas comme un signe. Le prophète Rasoul, quand il nous parle, ce qui va se passer après, ce qui va se passer dans l'avenir, des choses, il nous a donné des choses, il nous a montré des choses qui vont se passer. Ça, c'est une part de l'œil que Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme un signe de son prophétie, de sa prophétie. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'on va combattre les juifs, qu'on va au point que le juif va se cacher derrière un arbre, se cacher derrière une pierre, et puis la pierre ou l'arbre, il va dire, il y a muslim, il y a Abdullah, aux musulmans, aux serviteurs d'Allah, derrière moi, il y a un juif, il y a le juif. Ça, c'est un signe. Qui va se passer, Inch'Allah, c'est-à-dire dans la vie. Et donc, alamat sa'a, beaucoup d'autres choses. Et Yusuf alayhi salam, et tout ça, c'est dans vos cours, de toute façon. Et donc, pourtant, il y a des gens qui disent, non, il y a d'autres personnes qui vont nous raconter des histoires, et ils s'avèrent vrais. Comment ça se fait qu'ils s'avèrent vrais? Comment ça se fait que je suis parti chez la voyante par là, je ne sais pas qui, il avait une caravane et tout, ici à Paris, ou en banlieue, avec une main, la main de Fatma derrière et tout, et puis je suis rentré. Et il m'a dit des choses, et il s'est avéré, et je suis rentré. Il m'a dit, dans 3 mois, il aura fait. Personne ne connaîtrait à part moi. C'est sûr, clair. Mais comment ça se fait que cette personne connaît des fois? Ah, il faut demander au prophète de l'Allah, hein? Dans Muslim. An Aisha radiallahu anha. Il a dit au prophète, Aisha, il a dit au prophète de l'Allah, des gens qui sont venus voir le prophète de l'Allah. Ils lui ont dit, qu'est-ce que vous pensez de les deux âmes? Il a dit, ils ne sont rien, les pauvres, ils sont pour rien, ou c'est-à-dire ils ne peuvent rien donner. Et puis ils ont dit au prophète, mais il arrive que des fois ils nous disent des choses, et ils s'avèrent dire ce qu'il nous a dit. Alors le prophète, il a expliqué, il a dit, c'est le kalima, c'est-à-dire c'est la parole de vérité que, hein, ce que le djinn, il a volé, il a pris. Il a pris les yeux et il l'a ramené au devin. Et donc, on a parlé du hadith. D'accord ? Le hadith, il est le suivant. C'est dans Sahih al-Bukhari, Abu Huraira, radiyallahu anhu. Il a entendu Sana à Rasulallah wa sallam dire, lorsqu'Allah donne un ordre au ciel, les anges battent leurs ailes en guise de soumission à ta parole. Comme si c'était une chaîne sur une pierre lisse qui leur parviendra. Lorsque la prière sera bannie de leur cœur, ils diront qu'à votre Seigneur, ils répondront la vérité. Il est le très haut, le très grand. Hein? Celui qui est aux écoutes, là, le djinn qui est aux écoutes, l'entendra, et ceux qui sont aux écoutes sont ainsi les uns sur les autres. Celui qui se trouve en haut l'entendra et le passera à celui qui se trouve en dessous, qui la passera à celui qui se trouve en dessous, jusqu'à atteindre le magicien au delà. Il se peut que le météore le frappe avant cela, ou peut-être le passera-t-il, avant que le météore ne le frappe. Et il y mêlera son mensonge. Ne nous a-t-il pas dit telle et telle chose le jour tel, dira-t-on, c'est-à-dire bon. Car là, quand il décide une chose, il décide, il a décidé une chose. Il a décidé une chose, et puis qu'est-ce qui va se passer? Les anges, ils vont battre leurs ailes en guise de soumission, et ils auront une grande crainte. Les anges vont battre leurs ailes en guise de soumission à cette parole. Vous êtes d'accord avec moi? Là, il a décidé une chose, quelque chose. Il a décidé une chose. Et les anges, ils vont battre leurs ailes en guise de soumission. D'accord ? C'est-à-dire que par cette décision, ils tremblent, ils ont peur. Et la plus proche qu'on peut comprendre, c'est ça, par exemple, que si cette chose, elle correspond à ce qui s'est passé dans les cieux, ils vont dire, Allah, il a dit la vérité. Et si cette chose, c'est quelque chose qui va se passer sur terre, les anges, ils vont parler de cette chose. Hein? C'est-à-dire, Allah il a dit une parole. Si cette parole concerne, ou là, il a décidé une décision, si cette décision concerne ce qui va se passer dans les cieux, pas sur la terre, ils vont dire la vérité. Ça c'est Ibn Abbas qui l'explique. Et si cette chose il se rapporte avec ce qui va se passer sur terre, ils vont parler de ce qui a été décidé. Et donc là, le djinn, il va essayer d'écouter. Et donc, dès cette parole, de l'écouter. D'accord ? Par exemple, Allah, il a décidé, par exemple, qu'il va pleuvoir tel jour, ou quelqu'un va mourir, ou des choses quoi qui vont se passer. Des événements, je ne sais pas, politiques. Des événements, des catastrophes naturelles, des choses comme ça. Ça peut être... des choses comme ça. Et puis, les anges, ils vont parler en creux de cette chose-là. Ils vont parler. Et puis là, le djinn, il va voler cette parole. Il va voler cette parole. Et quand il la volera, il va la jeter à celui qui est en bas de lui. D'accord ? Parce que les anges, comme il a dit un sadiq, c'est-à-dire celui qui a vécu avec les sahaba, il s'appelle celui à Ibn Uyayna. Lui, il a pris sa main comme ça, il a fait comme ça, il a dit que les djinns, il y a un sur l'autre. Et puis, chaque fois, il jette cette parole à celui qui est au-dessous. Et là, il écoute et... Il écoute. Donc, ça va. Les djinns volent la parole à les anges. Il peut écouter cette parole. Mais les djinns, on n'a pas d'écouter les anges. Ils peuvent voir Allah, Alain. Mais ils vont écouter ce qui nous a été, on a été informé par le Coran, par la Sunna, qu'ils écoutent cette parole. Est-ce qu'ils vont suivre jusqu'à la Sunna pour qu'ils parlent vite et ça s'arrête là? De toute façon, on ne sait pas. Il est une bonne cette parole qui a été dite. Et là, quand le djinn il la prend, il la jette à celui qui est en bas de lui. Il la jette à celui qui est en bas. Et là, Allah, il a voulu, avant qu'il la jette, Allah, il lui envoie un météore, une flamme ou un shihab ou un sahib. Hein? Il lui envoie comme ça une flamme. Qui peut soit l'atteindre, soit ne pas l'atteindre. Soit qu'il la jette avant qu'il atteigne la flamme. Soit qu'il l'atteigne avant qu'il la jette, quoi. D'accord ? Donc il n'a pas sur celui qui est en bas. Et celui il apprend, il n'a pas sur celui qui est en bas. Ah, on va en parler, c'est fini. Et qui a été dite par les anges dans le ciel le plus bas. Là, le djinn il voit cette parole. Et il envoie celui qui est au bas jusqu'à parvenir au devin. Le djinn il la ramène au devin. Mais quand il la ramène avec son mensonge. Oui, il la ramène, il mélange avec cette parole de vérité son mensonge. Et puis le devin, il commence à dire d'après, c'est-à-dire, lui, il dit là cette parole, et puis des fois on dit, oui, c'est vrai, il a dit ça, et c'est la vérité vraie. Mais normalement, c'est le djinn qui l'a ramené. C'est vrai, la personne est impressionnée, elle revient. Il est impressionné, il revient, il met des, ça lui prend, 10 livres, peut-être, il la donne, comment ça se fait, il a dit telle chose, et c'est la vérité vraie. Mais ça, c'est un test, comme ça, bien prier les bons et les mauvais. Ceux vraiment qui ont la arrivée, qui croient bien que Allah seul connaît le vrai. Que personne, malgré lui, il me dit aujourd'hui, cette chose va arriver demain, je dis que c'est mon cœur. Voilà. Donc, j'ai une idée d'interroger le chef de la personne. Est-ce que maintenant, plus jeune qu'avec le mariage, il peut chercher aussi pour sa terre la vie de la personne? Ça c'est autre chose en ce qui concerne la personne, oui. Mais nous on parle de des fois il dit des choses et il s'avère vrai. Ne parlons pas de ça. Ça c'est autre chose encore. Ça c'est les sortes de sorcelleries, de ce qu'on appelle les gens et les dégarer. Il y a plusieurs façons. Mais nous on parle de ça. Quand il s'agit de dire, et quand le devin il dit des fois des mots, des choses de vérité. Hein, bon, Madame Soleil, il dit qu'il aura un coup d'état dans un pays, et il s'est avéré vrai. Il peut dire des choses qui s'avèrent vraies. Il dit qu'il va y avoir un problème au cœur. Des choses comme ça. Donc, Radamis aussi, quand on a des exemples durant l'histoire, et on va attendre, il y a le texte déjà qui va venir, et des histoires. Ceux qui ont la porte à Akhida et tout, c'est ceux qui vont tenir bon. Les autres. Hein? D'accord. Bon. Allemand, il a dit dans beaucoup de versets que... Dans beaucoup de versets, par exemple, sur la Tchèze, certes, nous avons placé dans le ciel des constellations et nous l'avons embellie pour ceux qui regardent. Et nous l'avons protégé contre tout diable Bali. Hein? D'accord? Et nous l'avons protégé contre tout diable Bali. À moins que l'un d'eux parvienne subrepticement à écouter une flamme brillante alors le prophète. Alors celui qui a volé cette parole, il a fait comme ça. Pourquoi c'est des étudiants bannis? Hein? Mais parce qu'ils ne doivent pas faire ça. C'est un certain en fait quoi. Alors dis, ah, il a. Oui, oui. Donc je continue. Nous avons décoré le ciel le plus proche d'un décor. Les étoiles, afin de le protéger contre le rebelle. Ils ne pourront être à l'écoute des dignitaires suprêmes, c'est-à-dire les anges, car ils seront harcelés de tous côtés et refoulés, et ils auront un châtiment perpétuel sur celui qui saisit au vol quelque information, il est alors pourchassé par un météore constant. C'est clair, hein? D'accord? Donc le Coran, il est clair là-dedans. Oui, oui. Oui. Donc, c'est clair. C'est-à-dire, Allah il envoie les flammes là pour percer ces diables là. Ils jettent. C'est dans le Coran, c'est dans le Bukhari, c'est clair, c'est clair quoi. Le prophète Mohammed nous a bien montré les choses, tout ça, c'est bien clair s'il n'y a rien à dire. Regarde combien c'est répété dans le Coran. Dans le Hizb, dans le Sfat, dans le Sahara, dans Surat al-Jin, dans beaucoup de versets. D'accord? Donc c'est pour ça que des fois, le devin, le sorcier, le voyant, il dévoile des choses et il s'adapte. D'accord? Alors, maintenant, la question c'est, le but du devin, c'est-à-dire du voyant, c'est l'argent. C'est l'argent, d'accord. Donc c'est l'argent pour avoir du truc, c'est l'argent. Mais alors, pour avoir ça, qu'est-ce qu'il a fait? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé avec le djinn. C'est un pacte avec le djinn. C'est toujours un pacte avec le djinn. Donc la personne, le devin, le voyant, tout ce qu'il a voulu, l'argent, il a voulu l'argent. Et donc le djinn, qu'est-ce qu'il a voulu de lui? De toute façon, le djinn, il n'accepte pas de lui faire, de lui rendre ce service, de lui ramener une parole des dieux, que c'est lui qui fait des choses qui sont des kufr. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala dit: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. Vous apprendrez-je, les diables descendent. Ils descendent sur tout calomniateur, pécheur. Ils tendent l'oreille. Cependant, la plupart d'entre eux sont menteurs. D'accord? C'est-à-dire quand? Ça, ils parlent toujours des deux ans. Bon, je continue, et puis après je vais parler de ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait le devin pour... Donc cette parole, c'est au fin de compte, c'est les diables qui la ramènent. Non, en général, ils la ramènent au diable qui est à côté de l'être humain, parce que chaque être humain a un diable qui le pousse vers le mal, quoi. Donc, lui, c'est la Karen, ce qu'on appelle Karen. Là, c'est Cheikh de Nobel, Abdallah, qui nous a dit, normalement, c'est pour... normalement, c'est-à-dire le djinn qui est au ciel, qui ramène la parole, il la ramène à celui qui est Karen, qui est... Oui, l'inséparable. Qui est inséparable de ce demain. D'accord? Et c'est lui qui lui met cette parole dans l'oreille. Sinon, on a tous un djinn. Oui. Tous. Ouais. C'est le même djinn qui, une fois qu'il est dans le coffre. Oui, une fois qu'il est dans le coffre, il rentre avec toi dans le coffre. Et quand il est dans le talal, il te rentre avec toi dans le talal. Hein, d'accord. Donc Ibn Abbas Hadrallah a dit que c'est pour ça que le devin, le sorcier ou le voyant peut coïncider avec la réalité, c'est-à-dire qu'il dit des choses et qu'il s'avère vrai. Et les ignorants et les charlatans prennent cette coïncidence comme preuve de la véracité du devin. Et tout ceci ne peut pur mensonge sur Allah et ne que vaine prétention de connaître Al-Ghaïb que seul Allah connaît. D'accord? C'est-à-dire ne que mensonge tout ça. C'est-à-dire le fait que le devin il dit une parole vraie, mais enfin c'est un menteur, quoi. À l'origine, ce n'est qu'un menteur. Le djinn, il ne dit pas directement le mal, alors. Hein? الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Il n'y a pas de mauvais anges et de bons. Tous les anges sont là. C'est un peu dommage. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont un impact du diable. Puisque le diable a un impact sur celui qui se avec lui, ou un autre encore. Il peut faire avec plus bien. Donc, pour que le diable rende service aux demain, qu'est-ce qu'il faut? C'est-à-dire que le devin ou le sorcier, il doit rendre service à ce diable. Qu'est-ce qu'il veut ce diable-là? Il a un diable mauvais parce qu'il a ramené, il a fait des choses qu'il ne doit pas faire, ramener la parole des gens et tout, pour égarer les gens, pour pousser les gens à croire en lui et tomber dans l'association. Donc ces chayatins-là, Allah il nous dit que ce chayatin, il a dit, vous apprendrez sur qui les diables descendent. Ils descendent sur tout calomniateur pécheur, ils tendent l'oreille, cependant la plupart d'entre eux sont menteurs. Là, d'accord, c'est dans Surat Shu'ara. Surat Shu'ara. Donc là, qu'est-ce qu'ils demandent? Les chayatins, les diables aux sorciers, ou aux devins. Ils nous demandent des choses qui sont du chef, purement du chef de l'association. Des exemples. Écrire le Coran avec les impuretés. Écrire les noms d'Allah avec les impuretés. Écrire la Fatiha à l'envers. À l'envers, il écrit à l'envers, il écrit avec les impuretés. Ou bien de jurer avec ceux qu'il vénère, ceux que vénèrent les djinns. Hein? Ou bien égorger pour un tel djinn. D'accord? Alors c'est ça le genre de pacte qu'il demande. Et ça on le trouve par exemple dans Awliya Shaitan et Awliya Rahman d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Hein? Ou bien modifier un verset du Coran. Ou bien écrire ayat al-kursi. Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum. Il écrit avec l'impureté. Donc c'est ce genre de choses que demandent les djinns à la personne. C'est-à-dire que cette personne, pour qu'elle rentre dans ce pacte, et qu'il est... il faut qu'il sorte de la religion. Ah, il faut qu'on aille à l'Église. Les dieux, ils savent qu'ils vont aller en enfer. Oui, bien sûr. D'une telle manière, leur vie, c'est comme les communistes. Les communistes, je ne sais pas comment ils communiquent avec eux. Et donc, de toute façon, moi je veux dire comment... C'est-à-dire la preuve dans le Coran, que l'un rend service à l'autre. Et je vais donner des exemples dans l'histoire des gens qui ont fait ça. Hein, d'accord. Donc, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le surat Al-An, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Dans Surat Al-An'am, les bestiaux, Allah il dit: et le jour où il les rassemblera tous aux communautés des djinns, vous avez trop propagisé les humains et leurs alliés parmi les humains durant. Ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. Il leur dira l'enfer, c'est votre demeure, pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement. Vraiment, ton Seigneur est sage et omniscient. D'accord? Et ainsi accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres injustes à cause de ce qu'ils ont acquis. Ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous qui vous ont raconté mes signes et avertis de la rencontre de ce jour? Ils diront: nous témoignons contre nous-mêmes La vie présente les a trompés et ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'en vérité ils étaient mécréants. Donc, c'est, Allah il dit que les djinns et les humains, ils ont des... C'est-à-dire qu'ils aussi, ils ont... C'est-à-dire, ici dans le Coran, il a dit, وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض استمتع بعض تيمية إلكسي كنت ديباس عن خارج الجين صديق سيستمتع لذن عبيزي لذن دلوك صديق فان تقرأ بيزي ستقرأ في لأزبون قديسيون من فقط لرنغ سيربيس دونك الجين لرنغ سيربيس ودوزان لرامل ست بارول qui peut s'avérer mélange avec son mensonge comme vis-à-vis du protecteur Jérusalem. Et le djinn, il demande à l'être humain de lui faire des choses comme ça, par exemple, écrire le Coran avec des impuretés, des choses de Coran. Donc, il ne faut pas croire en ces personnes. Ils sont menteurs. Bien qu'ils disent que des fois, ils rentrent coïncident avec la vérité, mais... C'est des mensonges, c'est pur mensonge que tu dis. D'accord? Oui, c'est une raison qu'on veut faire en échange. C'est toujours une raison que vous ferez. C'est le problème avec les Français. De toute façon, c'est ce que j'ai, de toute façon, moi je l'ai pris depuis 16 ans et Aulia avant même. Mais en général, moi j'ai fait attention de prendre des bintainiens. Parce qu'en général, les livres, de tout ce qui est sorcellerie et tout, les pactes avec les djinns, c'est pas sûr ce qu'il y a dedans, hein. Il faut faire attention. Donc moi j'ai pris ça de nos ulama les plus authentiques, les plus sincères. Et c'est eux qui nous ont dit que ce genre de passe, il peut être ça par exemple. Que la fatiha, au surat al-ikhlas, au ayat al-kursi, avec les impuretés ou les modifier. Et donc ça c'est le genre de passe qui existe. Je l'ai vu dans Awliya Shaitan et Awliya Rahman et dans un livre qui est Du'atun ala Abu al-Jahannam. Et donc c'est... Ah, non. Et donc maintenant... Il peut prier, il peut être... Alors regarde, il peut faire n'importe quoi, c'est Nakhida. Ça casse les mêmes. Non, mais tu pries, je veux dire, tu pries. Tu pries, oui, non. Tu pries pas derrière lui, quoi. Ah oui, c'est quelqu'un comme... Ah oui, bien sûr, c'est quelqu'un qui l'a fait. Hein? Du moment, Allah il accepte le repentir. Hein? D'accord? Donc, il y a des exemples dans la vie, des exemples dans l'histoire, faisant comme ça. C'est-à-dire qu'ils avaient des pactes, mais c'est des gens qui avaient des pactes avec les djinns et tout, et ils ont égaré plusieurs personnes, hein. Moi, je connais la personne dans la rue, je crois. Est-ce que souvent, il y en a sur la main droite, qui doit faire. Tu connais qu'il est là-dedans. Ah, voilà. Tu fais pas la prière derrière lui. Non, il a dit, il m'a accompagné par exemple. Tu l'as dit, toi, là. Je connais qu'il est là, parce que tu sais qu'il est vraiment... Il est dans la situation que... Parce que sa présence est grave. C'est égal à son absence. C'est un con qui est en train de... Bon, je vous donne des exemples. Là, je les ai dans... Écoutez. Exemple dans l'histoire. Alors, comme a dit Ibn Taymiyyah, حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس الدجال لكنه كان من جنس الكهان. Donc c'est une personne qui est à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم. Il s'appelait عبد الله بن صياد à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم. Et puis le prophète صلى الله عليه وسلم il a donné des signes de qui de la fille الدجال. Comment on l'appelle en français? Voilà. Il leur a donné des signes. Des signes d'un être humain. Des signes d'un être humain. D'accord ? D'un être humain. Et donc les Sahaba, quand ils l'ont vu, ils ont dit que c'est lui, peut-être que c'est lui, mais lui il a pris, c'est-à-dire, il a pris la forme de Masih Dajjal. Alors par exemple, il est allé le voir et tout, il a reconnu que c'est pas, il a dit que c'est pas lui. D'accord ? Ça montre que Masih Dajjal, c'est pas un événement de société, c'est une personne. C'est quelqu'un qui va venir, et le prophète Mahomet il a dit qu'il est Ahwa. Bon, d'accord ? Bon. Et que son œil, il ressemble à un raisin, c'est comme un raisin qui est pourri, c'est ça, oui. D'accord ? Sinon, Ahwa, Wallah, Oulay, Sali, Ahwa. De toute façon, c'est pas comme disent certains, ils disent que l'antéchrist, ça peut être un événement de société, c'est un phénomène de société, c'est le mal, c'est ça, non. Non, c'est pas, c'est des gens musulmans, ils le disent, c'est pas seulement, des gens, des musulmans, ils le disent. Même les chrétiens, ils savent que l'antéchrist, ouais. Oui, non, parlons pas de ça. Parlons de musulmans. Ouais, hein, ils le disent ça. Donc là, je me demande qu'est-ce qu'ils peuvent dire devant Ahadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kitab al-Fitan, du Bukhari. Hein? Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va jeter tous ces hadiths, ou on va perdre le coup des textes pour essayer que ça soit un événement de société. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est borne, qu'est-ce que ça veut dire ça? La société, elle est borne, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la télévision, c'est le mal, c'est ça? Non, c'est clair, le prophète Mahomet il a dit, les pauvres, ils vont se mettre près de Médine. Et Médine, il a 7 portes à l'époque. Et 2 anges qui vont garder, à côté de chaque porte, il y a 2 anges qui vont garder Médine. Hein? D'accord? Ça veut dire quoi? Qu'ils ne rentrent pas à Médine. Je ne sais pas, ils vont toucher le monde entier, sauf à Médine. Parce que c'est l'État. Alors, personne ne nous a dit que toujours le savoir, la haine, il va sortir de là-bas. Alors, pas question d'essayer de... Malgré tout, la haine, il est là-bas. Hein? Pourquoi? Par témoignage de notre prophète. Il a dit, la Mecque et Médine, il donnera toujours de vie. Il vous donnera toujours patience, il vous donnera toujours le frère et tout. إن المدينة سنت خبث كما ينفى الكيرو خبث الحديث حديث فجت تسكي على كرسي الجزر إذا كنت مسح الجزر كنت لها كرسي المدينة إذا ترامبلي إلى المدينة إذا كل شيء كرسي في المنصر كير مسح الجزر يكتبع رامبلي سيكون على يعني مكان صخبة أو لا أذكر الاسم من اتخاذه المدينة إذا كرتوخ من السباح سباح المدينة على سبخة من السباح في المدينة autour de Médine pas à l'intérieur, il va pas rentrer et donc c'est pas un événement, c'est pas un phénomène de société, c'est une personne borne, écrit entre ses yeux alors comme c'est écrit dans les hadiths, donc on peut pas effacer ces hadiths là, hein? Et si on les passe, qu'est-ce qu'on risque? On risque de quoi? On risque quoi? De falsifier. On falsifie. On ne peut pas falsifier vraiment le hadith parce qu'il est authentique devant le Bukhari. On est là. Devant le Bukhari, c'est pareil. Donc, si je falsifie, le quoi? Le sens. Yu'minouna billah. Ou yakfurouna billah. Ils croient en le mot. Mais yakfurouna la signification. Hein? قال تعالى ومن يشرك رسوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Celui qui ne suit pas les ulama, il ne suit pas comment, il ne suit pas dans leur explication de texte et tout. Ils étaient allés à limiter dessus que vraiment c'est une personne borne et tout. Et puis il y a une secte qui vient dans, c'est pas l'an 2000 ou c'est pas dans le 20e siècle, dans le 14e siècle, il vient et contredit ce qu'a dit Salaf Saleh. Il veut jeter ce qu'a dit Salaf Saleh. Qu'est-ce qu'ils vont dire devant ce texte? Hein? Rien à dire. Il n'y a rien à dire. Sauf si tu veux m'arracher mon cerveau ou quoi que ce soit. la première vidéo d'ailleurs. Donc c'est une personne, et en plus que l'État ne m'a jamais pas le tuer, donc c'est clair quoi, c'est pas une question de... C'est comme ça, quand on ne suit pas Salaf Saleh, on ne suit pas les Sahaba, on tombe toujours dans des erreurs comme ça. Et quiconque fait fiction d'avec et quiconque se substitue avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et si un sentier autre que celui des croyants, et là le croyant, c'est les ulama de Kumma, ceux qui ont protégé la Sunna en priorité, d'accord ? À Salem, d'accord ? Alors, 115 surat. Je répète, et quiconque se questionne avec le messager après que le droit chemin lui est apparu, et s'il y a un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. D'accord ? Donc, pas de. Donc, comment ils ont expliqué ça, la Sahih, Bukhari, et tout. Il n'y a rien à dire là-dessus, d'accord ? Donc on n'est pas obligé de tordre le cou, comme disent en arabe, tordre le cou des textes pour vraiment confirmer ma akhira. C'est moi qui dois se soumettre, c'est pas le texte qui doit se soumettre à moi, c'est moi qui dois me soumettre devant le texte, d'accord ? C'est le texte qui est au-dessus de moi, pas moi qui est au-dessus. Hein ? C'est vrai. Donc, j'ai une akhira, j'ai vu un texte qui ne suit pas la akhira, je vais lui tordre le cou pour qu'il me suive. C'est comme ça qu'ils veulent faire. Hein? Être juge sur les textes. Il y en a d'autres qui sont juges sur les lois d'Allah. Pas que les lois d'Allah qui sont juges. Il y en a d'autres qui sont juges sur plus de ça, sur les attributs. Sur les attributs. Ah, Rahim, non. Il n'est pas Rahim. Rahim, c'est relatif à l'être humain. L'être humain, quand il devient Rahim, il se rabaisse et tout. Non, on ne peut pas l'attribuer à Allah. Tu te rends compte ce qu'ils disent? C'est une grosse chose. Il a enlevé les attributs d'Allah, ils ont rapporté les attributs d'Allah à ceux, et ils ont ajouté le Khadim. Les juges sur les 99 noms. Ça veut dire quoi les héros dessus? Allah il a dit moi je m'appelle le miséricordieux. Mon nom c'est le miséricordieux. Non. C'est comme ça. C'est comme ils disent non, parce que vous n'appelez pas le miséricordieux. On se demande comment ces gens-là vont être devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui nient qu'Allah il est au-dessus des cieux, comment ils vont être devant lui? Je ne sais pas comment il est dans la prosternation, je ne sais pas. Tu te rabaisse comme ça devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu sais qu'il est au-dessus. Il est au-dessus. Et donc, dernièrement, je vous ai expliqué, on appelle religion et tout, et je vous ai expliqué qu'il est au-dessus, Allah subhanahu wa ta'ala, pas Allah. Lui-même, il est au-dessus. On a donné beaucoup de preuves. On a dit qu'il est au-dessus parce que il est à l'arche, il est à l'arche. Et on n'a pas besoin de rajouter de l'âme. Sur le Fatiha, on dit Alhamdulillah et Rabbil Alamin. Hein? Ah, c'est le moment, le maître de l'univers. Oui, mais au-dessus, il dit qu'Allah, il n'est pas au-dessus du trône. Il n'est pas au-dessus des cieux. Et t'as pas le droit de faire comme ça, parce que sinon ils te prennent ton doigt. Ils te disent de ne pas les aider. Je me demande comment ils vont être devant le prophète de quand il a fait les dernières prêches contre Batu Wada. Il a dit, est-ce que j'ai témoigné? Ils ont dit oui. Il a dit, Allahumma sakal. Comment ils vont être devant ce doigt-là? Donc dans la sunna, on peut dire ça. On peut faire le signe. On peut faire, et on peut dire aussi, je vais oser dire, on peut dire aussi, aïe maman. On peut le dire, parce que le professeur Hassan, il l'a dit à l'islam. Hein? Il a dit, beaucoup de preuves. Ils ont discuté, ils ont fait le débat, ils disent « Allah, il est pas au-dessus, il est pas en bas, il est pas droit, il est pas en gauche, mais subhanallah, la journée à l'eau, ils ont perdu leur Dieu. » Subhanallah, ils ont perdu leur Dieu, ces gens-là. On a tous les preuves. On a les preuves qu'il y a des choses qui mentent vers Allah. Hein? تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. لذوذ موت به الله موت لذوذ به الله ذلك رسولة المعراج رسولة النساء يعيد إني متوسك ورافعك إليه وذل إلى إنبي عيسى ذلك صدد أكواء اليوتي يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون يخافون ربهم ويفعلون ما يؤمرون من سورة الرعد وهو القاهر فوق عباده دونك سي فوق اوتشي اي دونك اي لي شوز كي ديسون ده حديث لا Les gens ils vont dire, ça dit votre Seigneur, la vérité dit le très haut, le très grand. Et Jibril va descendre comme ça. Donc des choses descendent d'Allah vers nous. Et des choses montent de nous vers Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est au-dessus. On se prosterne jusqu'à l'Ifokaha. L'Ifokaha, même les hadiths, ils disent que si ça a les cheveux comme ça, si ça a comme ça, et qu'il est dressé, qu'il doit l'enlever. Tu dois l'enlever et que tes cheveux doivent tomber sur le sol quand tu te prosternes. Pourquoi? Pour que ça ne doit pas être élevé. D'accord? Pour que ça montre la soumission totale devant Allah qui est le très haut de toi. Comment ça se fait? C'est ça l'importance de l'aqidah. Moi je vous dis, c'est ça l'importance. Je vous dis, subhanallah, il y a le ba'la, mais dans ton cœur tu dis, ulu qadr, ulu qadr ou ulu dal. Que lui-même il est au-dessus. À quoi? C'est pas. Cette prosternation, tu dis Subhana Rabbi al-A'la et tu crois pas qu'il est au-dessus. Je me demande comment on va être cette comment on va être la crainte. Je ne sais pas comment on va être cette crainte. Il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche, il n'est pas au-dessus, il n'est pas en bas. Donc, tu te prosternes, tu te diriges vers qui? Quand il est au-dessus, t'as une crainte. T'as une crainte. C'est une soumission totale. Le prophète, il a dit, si t'as les cheveux, tu ne les lis pas comme ça, tu les lâches. Les races, ils sont par terre. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus. Et tu as le droit de faire, de montrer quand il va dire, ah, oh, ça ressemble à lui. Ah bah, avec, tu ne veux pas faire ça. Hein? Pourquoi ce matin, ou là, ou tu, Bilal Matin, qui vous a parlé d'endroit? Bah, Allah, il l'a dit, il est au-dessus. Il nous a informé. D'accord? Donc, là, je suis un peu sorti du sujet. Il y a des couffards dans Dieu. Rabbi, c'est pour ça qu'ils exploitent des jeunes comme ça, subhanallah, ils ne connaissent rien du tout. C'est grave ces gens-là, c'est grave. Il y a des couffards pour savoir qu'il y a des couffards. Ouais, c'est comme ça. Il y a plus de